Nous sommes le 22 janvier 2017. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Le gouverneur de la province de Makamba appelle les réfugiés encore dans les camps en Tanzanie de regagner le pays car plus de 60 personnes se sont rapatriées au mois de janvier en cours dans trois communes seulement. Gadni Ukuri précise que plus de 50 000 personnes avaient fui de cette province depuis l'an 2015. Le directeur provincial de l'enseignement à Bururi appelle les enseignants des premières années post-fondamentales de ne pas s'absenter au travail prétextant l'indisponibilité des manuels scolaires. Après deux semaines de fermeture, des restaurants et cabarets de la commune Rugombo de la province de Cibitoke ont été réouverts parce que trois jours viennent de passer sans cas de choléra. Un corps d'un homme sans vie a été retrouvé au bord de la rivière Kinyangongé entre les quartiers Bukilasazi et Boutelele dans la matinée de ce dimanche. Le chef de quartier Boutelele affirme qu'il aurait été tué à l'aide d'un gourdin. Voilà pour le sommaire. Au micro, c'est Christelle Anisgama. La mise en onde est assurée par Albert Ndouayo. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Bonjour, débutons ce journal par la page sécurité. Le corps d'un homme sans vie a été retrouvé au bord de la rivière Kinyangongé entre les quartiers Bukilasazi et Boutelele 2B dans la matinée de ce dimanche. Cela est affirmé par le chef de quartier Boutelele 2, Masumbuko Armadi, qui dit que ce corps était nu et que cet homme aurait été tué à l'aide d'un gourdin. Le chef de quartier ajoute encore que ce corps va être transporté à la morgue avant que la famille de la victime soit connue pour l'enterrer dignement. Cap Cibitoke, où les restaurants et cabarets qui avaient fermé depuis plus de deux semaines à cause du choléra ont été réouverts dans la commune Rugombo. Le gouverneur de cette province a pris cette décision parce que trois jours viennent de passer sans cas de choléra. Toutefois, il indique que les cabarets qui n'ont pas de lieu d'aisance seront frappés d'amende. Plus de 40 000 rapatriés ont été enregistrés sur plus de 50 000 qui avaient fui la province de Makamba depuis l'an 2015. Selon le gouverneur de Makamba, Gadni Ukuri, plus de 60 personnes se sont rapatriées au mois de janvier en cours dans trois communes seulement. Gadni Ukuri demande aux réfugiés encore dans les camps en Tanzanie de regagner le pays car, ajoute-t-il, ils retrouveront les biens qu'ils avaient laissés. Suivez le gouverneur de Makamba dans une traduction de Placide Niyomungere. Dans cette province de Makamba, plus de 50 000 ont fui vers le pays voisin. L'administration et les confessions religieuses se sont mises ensemble pour donner le message de retour au pays. C'est pour cela que, parmi ces plus de 50 000, à la minute que je vous parle, près de 42 327 ont déjà regagné le pays. Au cours de ce mois de janvier 2017, dans la commune Nyanzarake, 60 personnes se sont rapatriées et la commune Kiwago a déjà accueilli des personnes, tandis que deux familles ont regagné le pays dans la commune Kayogoro. Tous ces rapatriés sont très bien reçus par leurs voisins et trouvent leurs biens comme ils les avaient laissés et leurs voisins ne se moquent jamais d'eux. Ceux qui sont encore dans ces camps de réfugiés, qu'ils y rentrent et ceux qui ne voient pas comment ils peuvent se rapatrier, faute de beaucoup de bagages, avec un bon nombre d'enfants, le gouvernement compte les rapatrier parce que un centre de transit où ils passeront soit une unité afin de rejoindre les communes d'origine est en train d'être réhabilitée. Je lance encore un appel à ceux qui sont encore là de rentrer. Ici à Makamba, le peu qu'il y a, on le partage. Nous les interpellons à retourner dans leur pays. Est-ce que vous trouverez déjà le centre prêt à accueillir ces réfugiés? Nous disons que celui qui veut se rapatrier, qu'il le fasse. Parce qu'il retrouve en sécurité ses biens. Et ceux qui ont encore des difficultés et qui prévoient être déplacés par le ACR, le gouvernement envisage de le faire car les travaux de réhabilitation du centre vont bientôt toucher à leur fin. Toujours dans la province de Cibitoke, les Burundais vivant près de la frontière burundo-rwandaise de la Luhwa déplorent la mesure de présenter les laissez-passer avant de traverser cette frontière. Ils disent éprouver des difficultés pour avoir ce document vu leur pauvreté. Ils demandent que les relations entre ces deux pays soient rétablies. Suivez-les. On a mal appris cette mesure parce qu'on gagne de l'argent en acheminant nos produits au Rwanda. Avec cet argent, on peut acheter les habits de nos enfants parce que c'est moins cher. Actuellement, on y va à pied, on dirait que nous sommes des prisonniers. La question qui nous pousse à ne pas aller au Rwanda, c'est l'exigence d'avoir un laissez-passer pour traverser la frontière. De plus, ce document n'est délivré qu'à Bujumbura. C'est très difficile de s'en procurer. Avant, on traversait sans problème. Pour nous, c'était bien d'y aller. Beaucoup exportaient leurs produits au Rwanda. Par exemple, moi, j'ai amené le tabac et je gagnais ma vie. Maintenant, il m'est difficile de trouver à manger. Demandez pour nous qu'on nous facilite la traversée. On veut continuer à travailler en vendant nos produits. Regardez, la famille est dans nos maisons à cause de ce soleil. On veut continuer les échanges qu'on faisait avant. Ce qu'on a remarqué, c'est que le bas peuplé, celui qui en souffre dans cette situation. Si on analyse bien, ceux qui ont des litiges, ce sont les dirigeants, pas nous, au maire Dauphin. Je sais que les Rwandais aimeraient venir s'approvisionner ici. C'est le même cas pour les Burundi. Maintenant, si un Burundais s'aventure d'aller au Rwanda la nuit, il risque d'être abattu. Ces désaccords entre les dirigeants se répercutent sur nous. On aimerait avoir de bonnes relations avec le Rwanda. S'il était possible d'avoir ces laissez-passer ici à Rugombo, on pourrait tous les acheter et pouvoir voyager facilement. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Continuons ce journal par la page éducation. Le directeur provincial de l'enseignement à Bururi appelle les enseignants des premières années post-fondamentales de ne pas s'absenter au travail, prétextant que les manuels scolaires pour le deuxième palier ne sont pas encore disponibles. Firmin Bouchoumi leur demande de réviser la matière du premier palier en attendant que ces manuels soient disponibles. Jean-Pierre Misago. Depuis le début du deuxième palier de l'année scolaire en cours, c'est les enseignants des premières années post-fondamentales qui n'avaient pas terminé le programme du premier palier, bac normalement au travail. D'autres qui ont terminé les enseignements du premier palier vont à s'absenter dans ces classes, arguant qu'il n'y a pas de manuel scolaire pour le deuxième palier et les élèves en profitent pour bavarder. Certains parents d'élèves interrogés trouvent que leurs enfants devraient attendre que ces manuels soient disponibles étant chez eux. Firmin Bouchoumi, directeur provincial de l'enseignement à Bururi, dit que ces enseignants qui ont terminé le programme du premier palier doivent plutôt se présenter dans ces classes pour renforcer les connaissances des élèves en attendant que ces manuels leur parviennent incessamment. Le directeur provincial de l'enseignement à Bururi reste persuadé que même ceux qui ont pu achever le programme du premier palier l'ont fait activement et la révision s'avère plus qu'indispensable pour relever le niveau d'élèves qui a visiblement chuté. Cette province occupe en effet la 16e et la 13e place au niveau national, respectivement dans les concours de 9e et 10e de l'année scolaire écoulée. Jean-Pierre Misago de Bururi, Radio Isanganiro. À 13h05 au studio de la radio Isanganiro Cap au centre du pays à Gitega, où une pluie mélangée de grêle qui s'est abattue dans l'après-midi de ce vendredi sur la colline Gasunzu, zone équilibrée de la commune Giheta, a causé la destruction de 30 maisons, la mort des chèvres et des champs qui ont été dévastés. Ceci est dit par l'administrateur de la commune Giheta, tout en demandant aux bienfaiteurs de venir en aide aux sinistrés. Le point avec Arthur Kavabushi. Selon l'administrateur de la commune de Guiheta, cette pluie mélangée de grêle s'est abattue sur la colline Gassounou de la zone Kiliba vers 13h de ce vendredi. Parmi les dégâts, il y a eu 30 maisons détruites, 13 chèvres qui sont mortes et même les champs de haricots, maïs, manioc, bananes, tomates, les choux, les aubergines ont été dévastés, ainsi que les colcas, la patate douce et le riz qu'ils avaient semés dans la marée où il y a encore présence de cette grêle. Cet administrateur de la commune de Guiheta fait savoir qu'aucun dégât humain n'a été enregistré, comme ça se trouve dans le rapport des dégâts occasionnés par cette pluie. Comme les pertes sont énormes, l'administrateur de la commune de Guiheta demande aux bienfaiteurs de venir en aide aux sinistrés en leur donnant de quoi manger, y compris des grains de semences constitués de haricots, les choux, les légumes, dont la récolte est rapide. L'administrateur de la commune de Guiheta indique que les prix au marché vont continuer à augmenter étant donné que la plupart des denrées alimentaires que compte le marché central de Gitega vient de la zone Kiliba. Pour ce qui est des maisons emportées par cette pluie, certaines ont pu être réhabilitées, mais pour celles qui ne l'ont pas été à cause de la grandeur des dégâts, l'administrateur de la commune Guiheta demande à la population d'héberger leurs voisins dont les maisons ont subi d'énormes dégâts. Arthur Kava, Bushi, Gitega, Radio Isanganiro. Les fidèles de l'église Emmanuel de Mousseigné en commune Manda de la province de Bubanza n'ont pas eu la chance de se rencontrer pour une prière collective de ce dimanche. Ils se lamentent des mésententes qui règnent entre leurs dirigeants qui a fait que cette église soit fermée par les forces de l'ordre il y a à peu près une semaine. Reportage de Space Caritas Cavagnana. Ce dimanche, les fidèles de l'église Emmanuel de Mousseigné en commune Manda n'ont pas eu la chance de se rencontrer pour une prière collective. Comme d'habitude, l'église est fermée après les confrontations de deux groupes de fidèles qui soutiennent des pasteurs en conflit il y a des années. Ce mardi, il a fallu l'intervention de la police et des administratifs à la base pour fermer la situation. Chaque groupe voulait s'accaparer du matériel de l'église, alguant que c'était pour les protéger. Ce matériel, comme les guitares, les micros et autres ont été saisis par la police selon les témoins sur place à Mousseigné et aucun fidèle n'est autorisé à approcher cette maison de prière aujourd'hui fermée au cadenas. À titre de rappel, deux groupes de fidèles de la même église soutiennent deux pasteurs en conflit de biens de l'église et de leadership. Chaque groupe voulant alors soutenir son pasteur. Le procès de ces deux pasteurs se trouve aujourd'hui à la cour d'appel de Bujumbura. C'est Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. À 13h09, Cap Football, la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule au Gabon depuis le 14 du mois en cours a montré que certaines sélections qui étaient favoris de cette CAN 2017 n'ont pas montré de belles affiches durant les deux matchs qu'elles ont déjà livrés. C'est l'analyse du sélectionneur des Inhamba Murugamba. Olivier Niyungeko ajoute que les entraîneurs des équipes burundaises de football qui suivent de près cette CAN pourront en tirer beaucoup de leçons sur le plan tactique et technique. Suivez-le, il était au micro d'Evariste Nzikobanyanga. D'abord, on voit que les équipes sont bien préparées, mais la préparation qu'ils ont fait, c'est, on dirait que ce sont les préparateurs européens qui sont venus avec les joueurs européens qui jouent en Europe. C'est-à-dire, aujourd'hui, on insiste beaucoup sur les blocs équipes. C'est-à-dire, le bloc équipe, c'est comment on va défendre. Avoir l'état du terrain, on a critiqué, on a dit que les terrains ne sont pas en bon état. Mais moi, je dirais, c'est plus, on a tendance à apporter le football européen dans la CAN. Parce que beaucoup de joueurs qui jouent en Europe, c'est eux qui sont visibles dans la CAN. C'est-à-dire, on va copier le football européen, on va amener les blocs, on va amener le système défensif. Mais c'est vrai, si tu ne sais pas défendre, ça va être difficile d'attaquer. Mais on a négligé beaucoup sur le côté animation offensive. C'est une leçon parce que Et nous aussi, on devait être à la même hôtel que les équipes qui jouent à la CAN parce qu'on fait des éliminatoires avec eux. Je parle du Gabon, je parle du Mali qu'on est dans le même groupe. Il y a la Côte d'Ivoire, il y a l'Algérie qui était citée dans les équipes favoris de cette CAN, de cette 31e édition. On voit qu'ils n'ont pas bien fait cette année. Et là, qu'est-ce que vous en dites? Et c'est vrai, il y a la Côte d'Ivoire qui a remporté la dernière coupe. Il y a aussi l'Algérie qui est moins au pronostic de commencer. Je dirais, et c'était une bonne équipe qui a des professionnels, qui a des malaises, qui ont gagné le trophée de meilleurs joueurs africains. Et mais ça devient le contraire. Parce que sur papier, on voyait la Côte d'Ivoire, on voyait l'Algérie, mais aujourd'hui ça change. Le football a évolué, mais si on voit le Ghana et le Sénégal il marque les premières 15 minutes et puis ils vont fermer. Il y a aussi le Ghana qui marque 1-0. Et avoir logé, s'il n'y a pas une grande différence, c'est pour cela que je dis, aujourd'hui, pour prononcer que telle ou telle équipe a remporté la CAN, peut-être que ça va changer aussi dans la phase suivante, on verra. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. Et parlons de quelques brèves en international. En Gambie, les droits de l'ex-président Jammeh Yahya sont garantis. Dans un communiqué conjoint, les trois organisations, la CEDEAO, l'Union africaine et l'Organisation des Nations unies, promettent de faire en sorte que les pays hôtes qui offrent l'hospitalité africaine à l'ancien président Jammeh et à sa famille ne deviennent pas la cible de harcèlement, d'intimidation ou toute autre forme de pression ou de sanctions. Elle précise que ses assurances s'étendent également à sa famille immédiate, les membres de son administration, les responsables gouvernementaux et de la sécurité ainsi que les partisans de son parti. Et s'agissant du départ de Jammeh Yahya qui a quitté le pays jeudi soir, il est qualifié de temporaire. La CEDEAO, l'Union africaine et l'Organisation des Nations unies œuvreront auprès des autorités pour qu'il puisse retourner en Gambie au moment de son choix. Et en Côte d'Ivoire, c'est dans un amphithéâtre plein d'eau à craquer que les syndicats de la fonction publique ivoirienne ont tenu leur assemblée générale au lendemain des discussions avec le Premier ministre. La confiance ne semble pas encore établie entre le gouvernement et les fonctionnaires. Après plus de 4 heures de débats parfois houleux, les fonctionnaires ont décidé de reconduire la grève de 5 jours supplémentaires à partir de lundi, estimant que leurs revendications n'ont pas toujours été favorables auprès des autorités. C'est notamment le paiement des stocks d'arriérés qui s'élève à plus de 200 milliards de francs CFA. Et autre point de crispation, c'est le paiement des bonifications salariales promises en 2009 à certaines catégories de fonctionnaires. Et toutefois, les fonctionnaires réclament le règlement immédiat de leurs revendications et menacent de durcir le mouvement si l'État ne réagit pas favorablement. Voilà, c'est sur ces éléments en international que nous clôturons ce journal. Mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Le gouverneur de la province de Makamba appelle les réfugiés encore dans les camps en Tanzanie de regagner le pays car plus de 60 personnes se sont rapatriées au mois de janvier en cours dans 3 communes seulement. Gadi Niyukuli précise que plus de 50 000 personnes avaient fui de cette province depuis l'an 2015. Le directeur provincial de l'enseignement Abouloudi appelle les enseignants des premières années post-fondamentales de ne pas s'absenter au travail, prétextant l'indisponibilité des manuels scolaires. Après 2 semaines de fermeture, des restaurants et cabarets de la commune Rugombo en province de Chibitoke ont été réouverts parce que 3 jours viennent de passer sans cas de choléra. Et un corps d'un homme sans vie a été retrouvé au bord de la rivière Kinyangongé entre les quartiers Bukilasazi et Boutelele dans la matinée de ce dimanche. Le chef de quartier Boutelele affirme qu'il aurait été tué à l'aide d'un gourdin. Voilà, au micro, c'était Christiane Gamma et la mise en onde était assurée par Albert Ndouayo.